LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Ces femmes qu'il a aimées de manière très diverse, ce sont des femmes qui n'avaient pas peur de la vie et de courir des risques, qui se sont engagées, qui d'une certaine manière contribue aussi à créer autour de la figure de Kafka un halo posthume de courage. Chacune des femmes qu'il a rencontrées porte une partie du destin juif et du destin européen. Milena Mortar Ravensbrück, Dora qui porte la mémoire du Yiddish en Angleterre, Félix qui, après s'être réfugié en Suisse, gagne les États-Unis et donc se sauve. Tout est là, ces trois sœurs mortes en déportation. Si Kafka, c'est terrible à dire, avait échappé à la tuberculose, il aurait connu le sort de ces trois sœurs. Kafka, quatre femmes. Felice, Milena, Dora, Otla. Une série documentaire de Ruth Zilbermann, réalisée par Julie Béressy. Quatrième épisode, Otla, la sœur chérie, hors du monde haïssable. Quand Franz Kafka voit le jour à Prague le 3 juillet 1883, l'inscription de la famille Kafka du côté de son père et de la famille Levy du côté de sa mère sur les terres de Bohême peut être retracée au moins jusqu'au XVIIIe siècle, date à laquelle fut mise en place à l'encontre de la population juive le système des familles qui, pour en limiter le nombre, n'autorisait que les fils aînés d'une famille juive à se marier et à procréer. Ce système des familles ne fut aboli qu'en 1849, à la génération du grand-père de Franz, Jakub Kafka, boucher rituel établi dans le petit village d'Ozek, où naquit Hermann Kafka, le père de Franz, représentant typique du judaïsme villageois de Bohême. Hermann Kafka devint à la force du poignet un commerçant aisé, au cœur de la vieille ville de Prague, dans le quartier de Josefov, autrefois ghetto de la ville. C'est dans différents appartements de ce minuscule périmètre de Staré Miesto, la vieille ville, que va grandir, étudier et commencer à écrire Franz Kafka, toujours au milieu de sa famille, ses parents, Hermann et Julie, ainsi que ses trois sœurs. Là, dans ce quartier général du bruit, comme il l'écrivait, se noue cette relation centrale et conflictuelle avec son père, mais aussi le lien inaltérable avec la plus jeune de ses sœurs, Otla, celle qui, disait-il, le portait sur ses ailes, hors du monde haïssable. J'ai trois sœurs, l'une mariée, l'autre fiancée, sans préjudice de mon amour pour les autres, la célibataire, Otla, est de loin celle que je chéris le plus. Archive de Viera Sautkova, la fille aînée d'Otla. Ma mère était le quatrième enfant de la famille Kafka. L'aîné était un garçon. Il s'appelait Franz. Puis venaient trois sœurs plus jeunes que lui. Gabriela était la première, la deuxième Valérie, enfin Ottilie, c'était ma mère. Franz Kafka n'est devenu célèbre qu'après sa mort et la mort de toute sa famille. Personne dans la famille ne savait qu'il était un vrai écrivain. Il ne pouvait pas même imaginer qu'il deviendrait célèbre. Son ami Max Brod disait souvent à mon grand-père, « Monsieur Kafka, votre fils est un grand écrivain. » Mais mon grand-père n'avait aucun respect pour les écrivains. La famille pensait que c'était juste une sorte de hobby pour Franz, qu'il écrit un peu le soir. Quand ma mère et ses sœurs étaient encore en vie, avant la guerre, elles ignoraient quelle serait sa gloire posthume. Une fois, je m'en souviens très bien, elles ont reçu chacune 200 couronnes de droits d'auteur en tant qu'ayant droit. Et je me rappelle encore comment elles se sont retrouvées, chacune serrant ses 200 couronnes, les larmes aux yeux, et elles disaient « Alors vraiment, comme ça, notre Franz était un vrai écrivain ?» Et puis, elles ont été déportées, ne sachant pas combien leur frère deviendrait célèbre. Peter Balaika, éditeur et biographe. Hermann Kafka et Julie Levy se sont mariés en 1882. Ils ont eu 6 enfants, mais 2 d'entre eux, des garçons, sont morts en bas âge. Franz Kafka était le fils aîné et après lui, avec un écart, 3 filles sont nées. Otla, née en 1892, était la plus jeune. À l'époque, les Kafka avaient un magasin de bonnetterie-mercerie qui est rapidement devenu un commerce de gros. Ils vendaient toutes sortes de choses, des tissus, des parapluies. Les affaires marchaient bien, visiblement. La famille a déménagé plusieurs fois, mais toujours dans le quartier de Josefov, autour de la place de la vieille ville. Les deux parents tenaient le magasin, mais ils ont obligé leurs enfants, dès qu'ils ont été assez âgés pour le faire, à les y aider. Même Franz Kafka était parfois obligé d'aider, ce qu'il détestait d'ailleurs, et faisait sans grande conviction. Cette maison Kafka, cette famille Kafka, il faut se la représenter. Archives de Marthe Robert, critique et traductrice de Franz Kafka. Comme une famille qui était très aisée, qui avait acquis de l'aisance, n'est-ce pas, mais dans laquelle les manières n'étaient pas des plus raffinées, n'est-ce pas. Nous devons nous représenter le père de Kafka comme un self-made man. C'était vraiment un homme qui avait connu une épouvantable misère dans son enfance et qui s'était élevé, comme on dit, à la force du poignet, qui avait gagné une aisance confortable, même de la fortune. En tout cas, le père Hermann Kafka, après la guerre, a été au fond le premier bourgeois de la ville à avoir une automobile, n'est-ce pas ? C'est à une époque où c'était encore très rare. Il était fortuné. Bon, mais il venait d'un milieu extrêmement pauvre, d'un milieu provincial, d'une petite communauté rurale juive extrêmement misérable et au fond obligée à une lutte quotidienne très âpre. La mère n'était pas là. Et lorsqu'elle rentrait, après avoir terminé son travail au magasin qui durait parfois très très longtemps, c'était bien sûr pour préparer le repas et s'occuper de la maison, mais aussi après le dîner pour faire la partie de cartes du père, n'est-ce pas ? Ça, ça jouait un rôle absolument décisif. Il n'y avait pas de soirée sans partie de cartes. Et l'enfant devait assister, et ça, l'enfant et l'homme fait par la suite, n'est-ce pas ? Car tant que Kafka habitait chez ses parents, il a habité très longtemps chez ses parents, il devait assister aux parties de cartes le soir. Bien des nouvelles de Kafka qui me paraissent aujourd'hui appartenir à un tout autre monde, ont été écrites, en fait, et transcrites sur un bout de table pendant la partie de cartes des parents. Il y avait une assez grande différence d'âge entre Franz et ses sœurs, et ça comptait beaucoup, surtout quand ils étaient enfants. Kafka aimait probablement ses sœurs, mais il les terrorisait aussi un peu parfois. Grand amateur de gymnastique lui-même, il les forçait à faire de l'exercice à moitié nu devant une fenêtre ouverte. Il leur faisait aussi jouer des pièces de théâtre et leur lisait son travail. Rainer Stach, biographe de Franz Kafka. Kafka a toujours essayé d'influencer ses sœurs et de les instruire. Il leur lisait des textes d'écrivains. Il a aussi écrit de toutes petites pièces de théâtre pour des anniversaires, celui de ses parents ou un anniversaire de mariage ou autre. Et ces textes étaient joués par lui ou la plupart du temps par ses sœurs. Il était alors le metteur en scène et elle devait jouer la comédie dans le salon. Voilà le genre de jeu auquel ils jouaient ensemble. Il existe une déclaration d'Elie, je crois, la plus grande des trois, où elle dit « Franz était un petit tyran quand nous étions jeunes. Il est possible qu'il ait un peu commandé ses sœurs. De fait, c'était le seul fils. En termes de position sociale, il était en quelque sorte le représentant du père ou son futur successeur. Il le savait et il en a parfois profité. » Il m'est arrivé bien souvent avec mes sœurs d'être un homme absolument différent de ce que je suis en présence d'autres gens. Avec elles, j'étais intrépide, découvert, puissant, surprenant, ému comme je ne le suis habituellement que dans la création littéraire. Il aimait bien que ses sœurs lui servent d'auditoire. L'histoire la plus célèbre est celle-ci. En septembre 1912, après avoir écrit son récit Le Verdict en une seule nuit, il ne s'était pas couché, il avait passé toute la nuit à son bureau. Il a tout de suite voulu avoir une réaction de lecteur ou d'auditeur. Est-ce que vous trouvez ça aussi bien que moi ? Sauf qu'il n'y avait personne d'autre que ses sœurs. Alors à 6h, 6h30 du matin, il s'est précipité dans la chambre des sœurs, ce qu'il appelait la chambre des filles, où elles dormaient toutes les trois. Il les a tirées du lit et leur a dit « Écoutez ce que j'ai écrit cette nuit. » Je pense qu'il leur a lu des textes bien plus souvent que nous ne le savons. Les filles Kafka, Elie, Vali et Otla, n'ont eu qu'une éducation très rudimentaire, pas plus loin que la primaire. À l'époque, même s'il existait déjà des lycées pour filles, ce n'était pas une priorité pour les parents d'offrir à leurs filles une éducation supérieure. On attendait d'elles qu'elles soient de bonnes femmes au foyer, qu'elles aient des enfants et qu'elles s'occupent de leur mari. Les deux sœurs aînées, Elie et Vali, se sont tout à fait conformées à ce qu'on attendait d'elles. Elles ont fait de bons mariages avec des hommes juifs et ont eu des enfants. Mais Otla était différente. Elle avait un statut privilégié à la maison. Elle était la plus jeune et c'était un peu la chouchoute de ses parents. Mais sa personnalité était différente de celle de ses sœurs. On disait d'elle qu'elle était têtue, obstinée, indifférente aux conventions. Elle avait des idées qui détonnaient par rapport à celles en vogue dans une famille bourgeoise de l'époque. Les parents disaient « cette fille est têtue, incorrigible, insolente, etc. » Mais bien sûr qu'elle devait travailler dans le magasin familial. Elle n'avait pas le choix. Qu'aurait-elle pu faire d'autre ? Elle n'avait pas fait le lycée. Elle a tout au plus fréquenté une école qui formait à des métiers subalternes. Mais après, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Quand elle en sort, elle a 15 ans. Et ensuite, il faut qu'elle attende le mariage. C'était la mentalité de l'époque. Alors son père l'emploie au magasin et elle reçoit de l'argent de poche. Je crois que ça a été comme ça pour les trois sœurs. Les deux autres se sont mariées, elles ont quitté le magasin et ça a été au tour d'Otla d'y travailler. 7 septembre 1909, l'acte de garde. Très cher Otla, s'il te plaît, travaille bien au magasin afin que moi je puisse tranquillement prendre du bon temps ici et salue bien nos chers parents pour moi. Ton Franz. 4 mai 1911. Restaurant végétarien Warnsdorf. Cher Otla, cette fois-ci je te rapporterai sûrement quelque chose parce que tu as pleuré la veille de mon départ. 13 mai 1916. Karlsbad. Cher Otla, salade de mâche t'envoie le bonjour. Franz. Bien sûr, au début, ce n'était pas une interlocutrice possible pour lui, parce qu'elle était beaucoup plus jeune. Quand lui était étudiant, elle était encore adolescente. Il ne pouvait pas encore aborder des sujets personnels avec elle. Mais plus tard, elle est devenue pour lui une sorte d'allié, parce que Franz et Otla étaient les personnes les moins adaptées de cette famille. Franz, bien sûr, à cause de ses intérêts littéraires, de sa sensibilité, etc. Et Otla, parce qu'elle avait un caractère rebelle. Elle ne pouvait pas se soumettre en tout. Bien sûr, elle était soumise à ses parents tout autant que les autres, et elle reconnaissait l'autorité de son père. Mais elle a souvent fait des choses qui paraissaient complètement folles à ses parents. Et elle n'arrêtait pas, même quand on la grondait. Donc, quand il s'agissait de parler contre les parents, de discuter de choses que les parents ne devaient pas apprendre, Ottla était pour Franz une interlocutrice toute trouvée. C'était les fameuses discussions dans la salle de bain. Ils s'y enfermaient, ils fermaient la porte pour que les parents n'entendent pas, les domestiques non plus, et ils échangeaient à voix basse. Cher Ottla, rien que quelques mots avant que je ne tente de m'endormir, ce qui la nuit dernière a totalement échoué. Figure-toi que grâce à ta carte, tu m'as rendu une matinée désespérée supportable par instant. Voilà la vraie manière de se frictionner, et si cela te convient, nous continuerons de la pratiquer à l'occasion. Je t'écrirai naturellement au sujet de Berlin. Pour l'instant, je ne peux rien dire de précis, ni sur l'affaire, ni sur moi. J'écris autrement que je ne pense, je pense autrement que je ne devrais penser, et ainsi de suite, jusqu'au fin fond de l'obscurité. Franz. Postscriptum, salue tout le monde pour moi. Ne montre pas ma lettre et ne la laisse pas traîner. Déchire-la plutôt en petits morceaux que tu jetteras du balcon aux poules de la cour, pour qui je n'ai aucun secret. Il y avait une grande intimité entre eux. Entre frères et sœurs, on ne parle pas de sexualité, bien sûr. Mais ils parlaient de tout le reste de manière totalement ouverte. Je crois que Franz a été le seul à savoir qu'Ottla avait un petit ami, pendant plusieurs années. C'était un secret au sein de la famille. Les parents n'en savaient rien. Et je crois que les sœurs non plus. Ça me semble improbable. Mais Franz, lui, le savait depuis le début. Quand on lit les lettres de Kafka à Ottla, on a quelquefois l'impression qu'il est très détendu, parce qu'ils se connaissent parfaitement. Parfois, ça va si loin qu'il se montre presque enfantin. Il a un ton enfantin, ou bien il fait des plaisanteries bouffonnes. Un peu avant la Première Guerre mondiale, lors d'une promenade, Ottla a rencontré un beau, grand et jeune Tchèque. Joseph David. Elle se promenait avec ses sœurs dans les jardins Kinsky, à Prague, quand ce jeune homme l'a remarqué et lui a glissé un mot demandant un rendez-vous. Ottla voulait lui répondre, écrire quelque chose sur le mot, mais elle n'avait pas de crayon. Elle a donc pris l'épingle à nourrice de son porte-jartel et s'en est servie pour griffonner sa réponse. C'est ainsi qu'elle a rencontré son futur mari, Joseph David. Il était tchèque, catholique et pauvre. Pas le meilleur parti aux yeux d'une famille juive de l'époque. Surtout à cette époque, l'usage voulait que les jeunes filles trouvent un fiancé par l'intermédiaire d'une marieuse qui s'assurait que le parti proposé soit convenable sous tout rapport, y compris financier. Mais Ottla a choisi l'homme qu'elle voulait de façon totalement indépendante de ses parents. Alors que son fiancé secret est mobilisé en 1915, c'est justement pour pouvoir le retrouver discrètement lors de ses permissions qu'Ottla loue en 1916 de l'autre côté du fleuve une petite maisonnette dans la ruelle des Alchimistes, surplombée par les hautes silhouettes du château de Prague et de sa cathédrale. Elle en fait également un refuge pour son frère, alors pris dans les tourments de sa relation avec Felice Bauer. Lors de cet hiver glacial 1916-1917, et alors qu'autour de lui la guerre mondiale avec son lot de morts et de restrictions fait rage, Kafka va poursuivre son exploration expérimentale des traditions narratives. Fables, paraboles, contes, drames entre autres. Si beaucoup des textes écrits alors ont fini brûlés dans le poêle de la petite maison, d'autres tels qu'Un médecin de campagne, À cheval sur le seau à charbon, Chacal et Arabe, Rapport à une académie, Le chasseur Gracchus ont survécu, et témoigne de cette ferveur créatrice à laquelle Ottla n'a pas peu contribué. À l'origine, c'était pour elle qu'elle avait loué cette maisonnette sur le Ratchin. Elle voulait un endroit où elle pourrait retrouver son ami sans être vue. Et elle pouvait être certaine que ses parents ne monteraient jamais jusque-là. Notre famille ne sera pas là et on pourra être tranquille. Et puis Joseph David, son ami, est parti à la guerre comme soldat. Il revenait rarement à Prague et la petite maison restait vide. C'est alors qu'elle a dit à Franz, écoute, c'est tout à fait ce qu'il te faut. Cette maisonnette, c'est toi qui vas t'en servir maintenant. Comme ça, tu auras enfin la paix pour écrire. Elle s'est occupée de tout. Elle s'assurait que la maison était déjà chauffée quand il arrivait du travail. Et elle s'occupait du ménage. De tout, en fait. De manière très désintéressée. La soirée d'hier a été très belle. Jusqu'à 7h30, j'étais seule dans la petite maison. Puis Franz est arrivé. Je suis allée chercher du charbon à la cave. Il m'éclairait afin que j'y voie en bas. Je suis restée un long moment avec lui. Je l'aime tellement. Un sentiment de joie indescriptible m'a envahie. Quand ensuite il a fermé la porte, il n'a pu s'empêcher de passer la tête au dehors et d'observer le ciel, qui, plein d'étoiles au-dessus de la rue, est la chose la plus belle qu'un homme puisse voir. 19 avril 1917. Cher Otla, quand je suis monté à la maison, le feu était éteint et il faisait très froid. Ai-je pensé, le premier soir sans elle et me voilà déjà perdu. Mais ensuite, j'ai pris tous les journaux ainsi que quelques manuscrits et au bout de quelques temps, j'ai eu un très beau feu. Prague, le 11 mai 1917. Cher Otla, mon petit bureau de bienfaisance. Je me suis déjà senti entièrement abandonné par toi et en pensant à un avenir plus lointain, pensant toujours à l'avenir, je me suis dit « Ainsi, elle me laissera tout de même mourir ». Mais c'est tout à fait faux, car avec la maison d'en haut, tu as introduit dans ma vie des temps meilleurs, qui durent encore. Les lettres à Otla reflètent simplement les relations très, très étroites, très affectueuse, plus que ça même, n'est-ce pas, d'un frère et d'une sœur, d'un grand frère et d'une petite sœur. Elle nous montre un homme, eh bien, qui était le vrai. Je veux dire, quand il n'écrivait pas, eh bien, Kafka était le frère d'Otla, c'est-à-dire quelqu'un qui d'ailleurs a eu une très très très grande influence sur elle, n'est-ce pas ? Elle est devenue son élève à tous les points de vue. Il l'a influencé d'une manière qui posait des drames dans la famille d'ailleurs, parce que le père Hermann ne pouvait absolument pas se consoler que sa fille ait été littéralement séduite par son fils. Elle le suivait en quoi ? Eh bien justement, non pas dans des idées, mais dans une manière de vivre. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a beaucoup aidé les familles juives réfugiées de l'Est qui avaient fui à Prague et qui vivaient dans des conditions misérables. Elle travaillait aussi comme volontaire dans un institut pour aveugles. Elle leur faisait la lecture, distribuait des cigarettes. Surtout, elle avait le projet de faire son alia, quitter la Bohême pour la Palestine, car elle s'intéressait beaucoup au sionisme. C'est Kafka qui a fait connaître le sionisme à Otla. Il y avait une association à Prague qui s'appelait l'Association des jeunes filles et des femmes juives. Et ces filles et ces femmes cherchaient à répondre à cette question : que ferons-nous quand la guerre sera finie ? Et pour la majorité, la réponse était « Quand la guerre sera finie, on partira en Palestine toutes ensemble. » Et de quoi vivrons-nous ? C'était la question suivante. Et les sionistes, surtout les adeptes du sionisme culturel, dans le sillage de Martin Buber et autres, disaient « En Palestine, il est très important que nous ayons des gens qui sachent travailler la terre, qui connaissent l'agriculture, qui puissent entretenir des arbres fruitiers. Là-bas, nous n'avons pas besoin d'avocats, par exemple, ou d'agents de change, etc. Il nous faut des gens qui sachent travailler de leurs mains. Ce sera la première génération. Voilà pourquoi ces sionistes idéalisaient fortement le travail manuel. Et Otla trouvait ça impressionnant. Cette idée lui a plu. Elle n'avait pas reçu une éducation académique comme son frère, mais travailler de ses mains, elle s'en est crue capable. Mais elle était consciente qu'elle devait d'abord apprendre. Et c'est là qu'Otla a dit à ses parents : je veux apprendre l'agriculture. Je veux aller dans une école spécialisée. Les parents ont répondu : pas question, tu es tombé sur la tête. Nous en venons, nous, de la campagne. Nous savons ce que c'est la pauvreté là-bas. Estime-toi heureuse de vivre dans le luxe ici, en ville. Pourquoi veux-tu retourner dans un village ? Elle a simplement répliqué : l'agriculture m'intéresse, je vais le faire. Le père s'est déchaîné. Ça l'a rendu tellement furieux qu'il n'a plus voulu lui parler. Mais Franz lui l'a soutenu. Et là-dessus, le père s'est mis à crier sur Franz. Il l'a insulté. Il l'a même traité de vaurien parce qu'il soutenait sa sœur. Pour le citadin qu'était Hermann Kafka, citadin ancien rural, devenu citadin naturellement, mais ayant fait fortune, arrivé, il faut bien voir, petit juif de Moravie, arrivé à la force du poignet, et vraiment au prix de difficultés épouvantables, pour lui, retourner à la campagne, c'était naturellement la déchéance, c'était renier toute son œuvre, n'est-ce pas ? C'était renier d'ailleurs sa création, qui était ce magasin qu'il avait créé entièrement lui-même, et qu'il avait amené à un point de développement assez remarquable. Et la décision d'Otla de retourner à la campagne, alors selon les préceptes de son frère, n'est-ce pas, qui n'imaginait rien de plus juste, d'abord, que le travailler de ses mains, l'un de ses principaux griefs contre lui-même, c'était qu'il gagnait sa vie sans travailler de ses mains. D'abord, travailler de ses mains, et ensuite, vivre dans une communauté réelle, avec des gens implantés sur un sol, liés à leur travail et à la terre. Enfin, tout cela, il ne l'a jamais expliqué, comme je le dis maintenant, bien entendu, mais ça ressort constamment, justement, en particulier de ses lettres à Otla. Cher Otla, hier soir, il y a eu une fois de plus grand tapage. Les vieilles histoires, la folle qui abandonne ses parents, facile d'être à la campagne quand on a de tout à profusion, elle verrait si un jour elle souffrait de la faim et avait de vrais soucis, etc. Mais ne l'oublions pas, on a dit aussi du bien de toi. Teinté de jalousie à mon égard, une fille inflexible, etc. Naturellement, tout cela s'adressait indirectement à moi. N'est-ce pas moi qui ai soutenu ou même provoqué cette conduite anormale, etc. À quoi je n'ai pas mal répondu, assez bien du moins pour les déconcerter, en disant que l'anormal n'était pas le pire, puisque le normal, par exemple, c'est la guerre mondiale. Comme résultat de ces conversations, il apparaît maintenant à mes yeux un peu décrassé qu'en face de ses soucis et de ses reproches, nous sommes, toi ou moi, presque entièrement dans notre droit, pour autant que nous soyons toqués. Les reproches de père ne sont justifiés que sur un point. C'est que nous avons la vie trop facile. Peu importe que ce soit grâce à lui ou par sa faute, il ne connaît pas d'autres épreuves que celles de la faim, des soucis d'argent et peut-être de la maladie. Il constate que nous n'avons pas encore connu les premières, qui, sans aucun doute, sont dures, et il en déduit qu'il a le droit de nous interdire toute parole prononcée librement. Franz Kafka souffrait en silence dans sa famille. À l'exception de sa fameuse lettre au père, qu'il ne lui a d'ailleurs jamais donnée, mais le conflit était, en gros, silencieux et Kafka se contentait de ne pas adresser la parole à son père, de ne pas rester avec lui lors des soirées familiales, de refuser de jouer aux cartes avec lui et, dès qu'il le pouvait, de partir s'enfermer dans sa chambre. Il n'avait pas la force de s'exprimer ouvertement contre son père. Otla, au contraire, faisait ce qu'elle voulait sans se laisser freiner. Son entêtement, son obstination, son courage étaient autant de qualités dont Franz avait l'impression de manquer et qu'il admirait énormément chez sa sœur. Elle avait ce qu'il lui manquait, ce qu'il aurait voulu avoir, et c'est cela qui les rendait si proches. En 1917, un compromis est finalement trouvé entre Otla et ses parents qui l'autorisent à abandonner enfin le magasin et à partir s'occuper d'une ferme abandonnée appartenant à un lointain parent. Cette ferme est située à Zuro, Sirgem en Tchèque, à quelques 80 km de Prague. Kafka y écrira l'une des parts les plus foudroyantes de son œuvre, Les aphorismes de Zuro. C'est à cette époque, en 1917, que les signes de sa maladie, la tuberculose, ont commencé à se manifester chez Kafka. Son médecin lui a conseillé une cure dans une station thermale pour se faire soigner. Il y avait plusieurs possibilités, mais Otla lui a proposé de venir chez elle, dans la ferme de Zuro. Et même si ce n'était probablement pas la meilleure solution d'un point de vue médical, en comparaison des sanatoriums où il aurait pu aller, Franz a préféré Zuro et la compagnie de sa sœur chérie. Il y a passé plusieurs mois et a ensuite écrit combien cette période avait été pour lui l'une des plus heureuses de sa vie. Otla m'apparaît à certains moments comme la mère que je voudrais de loin. Pure, vraie, honnête. Conséquence, humilité et fierté, réceptivité et quant à soi, dévouement et indépendance, pudeur et courage. Tout cela dans un équilibre infaillible. Je mène avec O une bonne petite vie conjugale. Vie conjugale non pas au sens du violent contact habituel, mais au sens du courant qui, avec de petits méandres, va droit devant lui. Lettre d'Otla à son fiancé Joseph David. Je me sens bien dans ce jardin. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec mon frère d'une heure à 8 heures du soir. Il faisait presque nuit. Nous avons planté des légumes. Kafka voulait mettre la main à la pâte. Il ne voulait pas se contenter de regarder les autres travailler du matin au soir. Mais d'un autre côté, il ne pouvait pas non plus faire de gros travaux à cause de sa tuberculose. Kafka a donc souvent travaillé dans le jardin. Il aidait aussi avec les chèvres, il les traillait, ou il déterrait les pommes de terre. Ce genre de choses simples, il pouvait. Il est certain qu'il a aussi aidé Otla financièrement. Malgré cela, la ferme a fini par péricliter. Pas par la faute d'Otla, à cause de la Première Guerre mondiale. Il n'y avait plus de ravitaillement. À la fin de l'année 1917, la ferme de Zuro a définitivement périclité. Mais Otla a persisté à vouloir étudier l'agriculture, toujours dans la perspective d'un départ pour la Palestine. Elle a demandé à Franz de se renseigner sur les différentes écoles et de l'aider à en choisir une. Il s'est beaucoup impliqué, beaucoup renseigné et lui a donné beaucoup de conseils sur les différentes écoles. Finalement, il lui a conseillé l'école d'agriculture de Friedland, au nord de la Bohême. Otla est allée y étudier en 1918. Elle a obtenu son diplôme en agriculture. Franz était très investi dans ses études. Il l'a énormément soutenu. Cher Otla, j'aimerais te revoir un peu et te tirer l'oreille. J'ai essayé avec Ellie, mais son oreille n'est pas la bonne. Pour le jardin, je n'ai rien appris de nouveau, sauf des conseils sur l'emploi du purin que je t'envoie 6 juin. Aujourd'hui, je me suis retrouvé par hasard dans les jardinets de banlieue qui sont derrière le jardin botanique, et depuis que je les ai vus, je ne suis plus aussi fier de notre jardin. Sans l'aimer moins pour autant. Ce que nous avons fait, presque tout le monde en est capable et le fait. Oui à la répartition suivante. À partir des malheureuses carottes, 2 carottes, 3 oignons, salade, autres épinards, radis, 5 plantes, et mademoiselle, 6 petits pois, 7 oignons, 1 rangée d'oignons à planter, 2 d'oignons à semer dans l'intervalle de l'ail et des radis. Non, je ne peux pas continuer, tout se confond dans ma tête, mais toi, n'est-ce pas, tu sauras t'y retrouver. Po skončení války, kdy à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque Joseph David a été démobilisé, il a fait son apparition à l'improviste dans la famille Kafka et leur a dit qu'il voulait épouser Otla. Il faut se souvenir qu'à cette époque, la situation était différente de ce qu'elle avait été avant et pendant la guerre. La Tchécoslovaquie était indépendante désormais. Le tchèque était devenu la langue officielle et la minorité allemande, en particulier les juifs germanophones, se trouvait dans une situation compliquée. Pour la famille Kafka, il était devenu plus avantageux d'avoir un tchèque, un patriote, dans la famille. Hermann et Julie ont mené leur enquête sur Joseph David et finalement, ils ont commencé à l'accepter. Ils l'appelaient Pepiček, le diminutif de Joseph. Et, en gros, ils espéraient qu'il apprivoiserait la vilaine, la désobéissante, la rebelle Otla. Franz Kafka, lui, avait toujours soutenu Otla dans sa décision de se marier. Cher Otla, que le mariage ait lieu en juillet, pourquoi en serais-je surpris? Tu en parles parfois comme si par là tu me causais du tort, alors que c'est tout le contraire. Nous ne devions pas nous marier tous les deux. C'eût été affreux. Et comme tu es sans aucun doute la plus douée pour cela, tu le fais pour nous deux. C'est pourtant simple et tout le monde le sait. Moi, en échange, je reste célibataire pour nous deux. Du mariage d'Otla et Joseph David qui a lieu en 1920 vont naître deux petites filles, Viera puis Elena. Mais si Otla doit désormais prendre soin de sa propre famille, elle n'en délaisse pas pour autant son frère, de plus en plus atteint par la maladie. C'est elle qui, sans relâche, fait l'intermédiaire avec l'employeur de Franz, l'Office d'assurance contre les accidents du travail au royaume de Bohême, pour lui obtenir des congés de plus en plus longs et finalement une retraite anticipée. Elle, qui était toujours restée en contact épistolaire avec Felice Boer, noue également une relation d'étroite proximité avec Dora Diamant lors des derniers mois de la vie de Franz. Elle accourt au chevet de son frère à Kirling au printemps 1924, mais n'est pas présente lors de sa mort le 3 juin. Le 11 juin 1924, la famille, brisée, assiste aux funérailles. C'était une tragédie, bien sûr. Franz était l'unique fils de la famille, et le père perdait en lui son seul successeur potentiel. C'est une catastrophe. Pour la mère, bien sûr, c'est terrible. Quant à ses sœurs, ce que nous savons, c'est qu'après la mort de Kafka, en l'espace de quelques années, elles ont commencé à beaucoup l'idéaliser. Elles ne parlaient plus de lui qu'en termes positifs. Et ce, il faut le noter, bien avant que sa gloire commence. Ce n'était pas seulement un réflexe dû à la célébrité, mais la conséquence de sa mort précoce. Otla avait déjà deux petites filles à la mort de Franz. Elle a continué à s'occuper de sa famille, mais très vite, la relation au sein du couple qu'elle formait avec Joseph David s'est détériorée. Ils avaient des caractères très différents. Joseph David avait une vision très conventionnelle du mariage, une vision bourgeoise radicalement opposée à celle d'Otla. Le caractère très indépendant, hors norme, d'Otla ne convenait pas du tout à son mari. Ils se disputaient énormément et leurs filles ont raconté plus tard qu'elles se cachaient sous leur couverture pour ne pas entendre les nombreuses disputes entre leurs parents. Par ailleurs, Joseph David a fait baptiser ses filles et a refusé de les inscrire dans le registre de la communauté juive. Il voulait être le maître chez lui. Maman était quelqu'un de très gai, très honnête. Elle parlait à tout le monde et ne faisait aucune différence entre un vieux mendiant juif et une dame du monde. Elle s'intéressait à tous, enfants, animaux, pas de distinction. Mon père, lui, était obnubilé par sa carrière professionnelle. Et ma mère était trop peu conventionnelle pour lui. Il aurait préféré avoir une maîtresse. Mais il n'avait pas de maîtresse, donc il se contentait de ma mère. Mais c'était difficile. C'était un mariage compliqué. Mais ma mère était si fiable, si honnête, qu'elle s'entendait presque toujours avec tout le monde. Elle détestait juste qu'on lui mente, y compris nous, les enfants. V roce 1939 žila rodina Davidových domě v Bílkově ulici 4. En 1939, la famille David vivait à Prague dans un immeuble au 4 de la rue Bílkova. Un immeuble que leur père, le père de Franz et Otla, Hermann Kafka, avait acheté en 1918. C'était une sorte de dot pour ses filles, même si deux d'entre elles étaient déjà mariées à l'époque. En 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, Otla vivait dans cet immeuble avec son mari et ses deux filles, ainsi que sa sœur aînée, Eli Hermann, qui y habitait également avec son mari et ses enfants. Il y avait aussi le fameux oncle médecin de campagne, Siegfried Levy. Michal Frankel, historien. Environ 120 000 juifs vivaient en Bohême-Moravie avant 1938, mais ensuite leur nombre a baissé de façon importante, car beaucoup d'entre eux ont commencé à essayer de quitter le pays après les accords de Munich. Max Brod a eu beaucoup de chance. Il est parvenu à quitter le pays au moment même où il a été occupé par les nazis, dans la nuit du 14 au 15 mars 1939. Brod a d'ailleurs décrit comment, lors d'un arrêt du train à la gare de Moravská Ostrava, il a pu voir les premiers soldats allemands. Mais comme c'était littéralement les premières heures de l'occupation, il a réussi avec d'autres à quitter le pays et à atteindre sain et sauf la Palestine. Quand les nazis ont occupé la Bohême-Moravie le 15 mars 1939, ils ont très rapidement mis en place les lois excluant les juifs de la société. Les déportations vers le ghetto de Lodz ont été les premières déportations à avoir été organisées depuis la Bohême-Moravie dès le 16 octobre 1941. 5 000 personnes dans 5 convois ont été déportées vers le ghetto de Lodz, qui avait été créé en Pologne occupée. Parmi ces 5 000 personnes, moins de 300 ont survécu. Les sœurs de Otla Kafkova-Davidova, Eli et Vali, ont été déportées avec leur famille et leurs enfants. Elles ont été parmi les premiers convois à partir de Bohême. Ces premiers convois sont arrivés à Lodz et non à Terezín, comme ça a été le cas ensuite. Les deux sœurs et leur famille ont survécu pendant environ un an dans le ghetto de Lodz. Puis elles ont été emmenées à Chelmno, où pour la première fois, on a assassiné des gens au gaz dans des camions. Les deux sœurs d'Otla ont donc été assassinées avant elles. Nous nous trouvons dans la ville de Terezín, qui est devenue un ghetto où ont été déportés les Juifs venus de Bohême, mais aussi d'un peu partout en Europe. Otla y a été déporté le 3 août 1942. En vertu des lois de Nuremberg, son mariage était devenu un mariage mélangé. Et son mari était menacé par le simple fait d'avoir épousé une femme juive. D'un commun accord, ils se sont donc séparés en 1940. Cette séparation permettait à Joseph David de continuer à travailler, de ne pas mettre un frein à sa carrière. Mais en ce qui concerne Otla, elle n'était plus protégée par ce mariage mixte et se trouvait exposée à la déportation. Si cette séparation n'avait pas eu lieu, Otla aurait très probablement survécu. Mais elle croyait que ce divorce sauverait son mari et surtout ses filles. À l'origine, Térésine était uniquement destinée à accueillir les déportations de juifs tchèques venant de Bohême-Moravie, et ce dès novembre 1941. Mais au printemps 1942, les nazis ont décidé d'y déporter aussi les juifs allemands et autrichiens, et un peu plus tard, ceux qui venaient de Hollande et du Danemark. Tous arrivaient dans un ghetto surpeuplé où près de 50 000 personnes étaient parquées. Avant la guerre, Térésine était une ville de garnison, une ville militaire qui accueillait quelques 7 000 habitants, en comptant les soldats. Mais à l'automne 1942, on y dénombrait entre 50 et 60 000 habitants. Dans les mois qui ont suivi l'arrivée d'Otla à Térésine, près de 4 000 personnes sont mortes. Et elles sont mortes non pas dans le cadre d'une extermination systématique, mais de faim, de maladie. Beaucoup sont également mortes en raison de l'extraordinaire traumatisme psychologique que la déportation représentait. Beaucoup se sont suicidés. Nous avons très peu de témoignages sur la période de presque une année qu'Otla a passée à Térésine. Nous savons seulement qu'elle a travaillé avec des enfants. Mais dans quel Kinderheim, foyer pour enfants, elle était et quel âge avaient les enfants dont elle s'occupait, nous ne le savons pas. Nous ne pouvons que supposer qu'elle travaillait dans le foyer pour jeunes garçons L417, devant lequel nous nous trouvons en ce moment, et sur le mur duquel il y a une plaque qui porte son nom. La tâche des éducateurs était extrêmement difficile, car beaucoup de ces enfants, en particulier les plus jeunes, étaient traumatisés. D'ailleurs, ceux qui devenaient éducateurs n'avaient pas été formés pour le devenir. Ils avaient eux-mêmes d'énormes problèmes à résoudre. Leur propre famille déportée, le danger qui pesait continuellement sur eux. Pourtant, d'après les témoignages, il apparaît que ces éducateurs improvisés se sentaient investis d'une mission. Fournir à ces enfants un sentiment de sécurité, de réconfort familial en les éduquant, ce qui était plus ou moins interdit, en jouant avec eux et surtout en essayant d'en faire des individus aptes à la vie pour le monde d'après. Des individus pour qui le monde n'aurait pas été rétréci aux limites de la réalité du ghetto. Lettre clandestine d'Otla à ses filles, écrite à Térésine. Mes chères filles, Viera, Elena, mon amour pour vous fait que j'aime tous les enfants, que je les comprends et que je mesure leurs fautes à peu près avec les mêmes critères que ceux que j'avais établis pour vous. On a eu le droit d'envoyer un colis de 5 kilos, et c'est tout. On a envoyé un colis de 5 kilos, avec du chocolat, des cigarettes, du beurre, du riz aussi. Juste des trucs ordinaires. Et puis nous avons reçu un message clandestin disant qu'elle avait reçu le paquet et qu'il était magnifique. Mes filles que j'aime par-dessus tout. Je vous serre contre moi et je vous mords tendrement tout le corps. Car d'un côté je vous aime et de l'autre je suis fâchée contre vous que vous pensiez à autre chose qu'à vous-même. Car les friandises que vous m'envoyez en de telles quantités sont chères pour vous aussi. Mais n'allez pas croire que ce n'est que pour moi. J'ai ici 13 jeunes garçons sensationnels qui tendent constamment leurs mains à vide pour avoir une petite douceur. Ce qui me réjouit le plus, c'est quand vous m'écrivez et me dites ce qu'il y a de nouveau à la maison. Cela fait longtemps que vous n'avez rien écrit à propos de notre chienne Belinka. Vous occupez-vous bien d'elle ? Il n'y a pas longtemps, je me suis souvenue de cette fois où vous aviez mis votre père tellement en colère quand vous vous demandiez si Belinka était vraiment Aryenne puisque c'était ma chienne. S'ils interdisent aux Juifs d'avoir des animaux de compagnie, même les chiens seront bientôt classés entre normaux et mauvais. Estimez-vous heureuse que votre père vous protège. Si cela n'est pas trop contraignant pour vous à obtenir, envoyez-moi du sucre en morceaux et en poudre, du sandou, des bonbons et des citrons pour mes enfants, et pour Dital Okanvikler, le nécessaire pour une mise en pli. Elle est tombée amoureuse et elle aimerait se faire belle. Quand ce sera fini, et quand je reviendrai, je vous présenterai à l'un des médecins d'ici. Bien que son visage soit grincheux et qu'il secoue la tête à mon sujet comme s'il ne comprenait pas que je suis faite ainsi, il a un cœur d'or. Il me fait un peu penser à votre oncle Franz, mais vous pourrez à peine vous souvenir de lui. Votre Otla, qui vous aime. S'il reste peu de traces de la vie d'Otla à Térézine, on sait pourtant qu'elle assista le 3 juillet 1943 à une conférence organisée clandestinement en l'honneur de ce qui aurait été les 60 ans de Franz Kafka. Une centaine de personnes se réunirent ce soir-là dans les baraques du bloc B5. Hans Gunther Adler, historien et survivant de Térézine, décrit l'émotion qui fut celle d'Otla lorsqu'elle entendit lire des textes de son frère dont l'œuvre avait été interdite par les nazis. Ce soir-là, on discuta du procès, mais aussi, raconte Adler, de Kafka comme symbole de la souffrance humaine que nous traversons. Nous venons d'arriver dans ce lieu appelé Kreta. Nous sommes derrière les murs de la forteresse de Térézine. Cet endroit est aujourd'hui un terrain de football. Mais autrefois, ici même, il y avait des baraques en bois construites pour des enfants polonais venus de Bialystok. Ces enfants avaient été sélectionnés par les Allemands après qu'ils ont eu réprimé dans le sang la révolte juive du ghetto de Bialystok en Pologne. Ces enfants juifs sont arrivés à Térézine le 24 août 1943. Et ce jour-là, les détenus de Térézine ont eu l'interdiction de sortir des limites du ghetto. Il leur était même interdit de regarder par la fenêtre afin qu'ils ne puissent pas apercevoir ces enfants qui avaient entre 10 et 14 ans. Sous la surveillance des SS, les enfants ont été emmenés à la désinfection. Il y avait des douches. D'après de rares témoignages, les enfants ont refusé d'y entrer et se sont mis à hurler qu'ils ne voulaient pas être gazés. Ils pensaient qu'ils allaient être mis à mort. Ils étaient polonais et avaient entendu parler des chambres à gaz d'Auschwitz. Finalement, ils ont été lavés normalement, désinfectés et conduits dans ces baraquements de bois ici même. Ils ont été rejoints par 53 volontaires venus du ghetto, des médecins et des éducateurs. Parmi eux, il y avait Otla Davidova. On leur a dit ensuite que ces enfants étaient destinés à être échangés contre des prisonniers allemands. Ils étaient donc censés les escorter jusqu'au lieu de l'échange, soit la Suisse, soit la Suède. Ils seraient ensuite relâchés. Otla a écrit une lettre bouleversante à ses filles la veille de leur départ. Mes petites filles chéries, il est 1h du matin, et ce que je vous raconte vous paraîtra peut-être comme sorti d'un rêve. Mais c'est une nouvelle qui nous réjouit tous. Et j'espère au moins qu'elle ne vous causera pas trop de peine. Demain matin, je m'en vais avec des enfants. Mais pas en Pologne. Probablement en Suisse ou en Suède. Ici, le moral est bon. Personne n'est allé dormir. Nous avons fait nos bagages. Peut-être passerons-nous par Prague. Mais je ne serai pas triste. De beaux jours s'annoncent pour nous. Le vent m'a fait parvenir vos doux baisers, et j'espère que je pourrai vous écrire. Adieu, mes trésors. Vous verrez quelle belle vie aura votre maman. Je vous serre contre moi, mes petites filles. Je pense que le voyage ne sera pas long et que je vous verrai très bientôt. Je vous embrasse. Encore et encore. Votre O. En réalité, ils sont allés directement à la mort. On raconte qu'ils ont été gazés immédiatement après leur arrivée à Auschwitz, le 7 octobre 1943. Selon certains témoignages, ils ont commencé à chanter dans les chambres à gaz. On le leur avait conseillé, car s'ils inhalaient le gaz plus rapidement, ils mourraient plus vite. En 1945, les filles d'Otla attendirent en vain des journées entières leur mère à la gare de Prague. Ni elles, ni Vali, ni Elie, ni leur mari, ni la plupart de leurs enfants ne revinrent. Les parents de Franz Kafka étaient morts avant la guerre, mais celle-ci engloutit la trace de tant de ceux dont la vie avait croisé celle de l'écrivain. Milena, la tante aimée, Grete Bloch, son amie, sa fiancée Julie Vorizek furent exterminées. Son oncle, le médecin de campagne Siegfried Levy, s'était suicidé en recevant sa convocation pour être déporté. Une grande partie de ce qui avait constitué le monde de Franz Kafka avait disparu. Les filles d'Otla conservèrent précieusement les lettres que Franz avait écrites à leur mère. Il s'écoula encore de nombreuses années avant que les autorités communistes tchèques auprès desquelles Franz Kafka, même mort, fut longtemps persona non grata, ne les autorise à les publier. Cher Otla, cette nuit, je me suis réveillé aux alentours de 5 heures et je t'entendais appeler. Franz. Devant la porte. Doucement, certes, mais je l'entendais distinctement. J'ai tout de suite répondu, mais plus rien ne bougea. Que voulais-tu? Ton Franz. Avec Philippe Zahr, Jean-Pierre Lefebvre, Peter Balaika, Rainer Starr, Michal Frankel et les archives de Marthe Robert. Extrait d'entretien mené par Peter Balaika avec Vera Sautkova. Les textes de Franz Kafka sont lus par Rainer Sievert et ceux d'Otla Kafka Davidova sont lus par Chloé Réjon. Avec les voix de Laurent Lederer, Romain Lemire, Phil Bouvard et Sonia Masson. Traduction, Mirka Valova, Régis Quatresous. Documentalistes Inès Barja, Annie Signoret et Antoine Villoz. Assistante de production, Ottilie Rachel. Prise de son, Alexandra Bergel, Hélène Langlois, Thomas Robin, Cédric Châtelus, Valérie Lavalard et Sébastien Royer. Mixage, Régis Nicolas. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordinatrice, Perrine Kervran. Un documentaire de Ruth Zilbermann, réalisé par Julie Béressy.